Une martyre. Dessin d'un maître inconnu. Au milieu des flacons, des étoffes lamées et des meubles voluptueux, des marbres, des tableaux, des robes parfumées qui traînent à plis somptueux. Dans une chambre tiède, où, comme en une serre, l'air est dangereux et fatal, où des bouquets mourants dans leur cercueil de verre exhalent leur soupir final, un cadavre sans tête épanche, comme un fleuve, sur l'oreiller désaltéré, un sang rouge et vivant, dont la toile s'abreuve avec l'avidité d'un pré. Semblable aux visions pâles qu'enfante l'ombre et qui nous enchaîne les yeux, la tête, avec l'amas de sa crinière sombre et de ses bijoux précieux, sur la table de nuit comme une renoncule, repose et, vide de pensée, un regard vague et blanc comme le crépuscule s'échappe des yeux révulsés. Sur le lit, le tronc nu sans scrupule étale dans le plus complet abandon la secrète splendeur et la beauté fatale dont la nature lui fit don. Un bas rosâtre, orné de coins d'or à la jambe, comme un souvenir est resté. La jarretière, ainsi qu'un œil secret qui flambe, darde un regard diamanté. Le singulier aspect de cette solitude et d'un grand portrait langoureux aux yeux provocateurs comme son attitude révèle un amour ténébreux, une coupable joie et des fêtes étranges pleines de baisers infernaux dont se réjouissaient les seins des mauvais anges nageant dans les plis des rideaux. Et cependant, à voir la maigreur élégante de l'épaule aux contours heurtés, la hanche un peu pointue et la taille fringante ainsi qu'un reptile irrité, elle est bien jeune encore. Son âme exaspérée et ses sens par l'ennui mordu, s'était-il entrouvert à la meute altérée des désirs errants et perdus? L'homme vindicatif que tu n'as pu, vivante, malgré tant d'amour, assouvir, combla-t-il sur ta chair inerte et complaisante l'immensité de son désir? Réponds, cadavre impur, et par tes tresses roides, te soulevant d'un bras fiévreux, dis-moi, tête effrayante, a-t-il, sur tes dents froides, collé les suprêmes adieux? Loin du monde railleur, loin de la foule impure, loin des magistrats curieux, dors en paix, étrange créature, dans ton tombeau mystérieux. Ton époux court le monde, et ta forme immortelle veille près de lui quand il dort. Autant que toi, sans doute, il te sera fidèle et constant, jusque à la mort.